Il me faudrait un tailleur. Je l'aurai. Je ne rêve plus que toilette. Je suis habillé par M. Comont, le tailleur. On se charge de me procurer un chapelier et un bottier. J'hésite à m'endetter, mais les camarades m'y poussent. Tu végètes avec tes capacités. Quand tu pourras te présenter partout, tu gagneras de quoi payer tes dettes et au-delà. Me voilà enfin armé de pied en cap. Voilà fier et libre de nouveau. Je vaux moins pourtant, depuis que j'ai ces habits-là. Il me faut mentir à mes habitudes d'honnêteté muette, démordre de mon entêtement à vivre de rien. Il a fallu dire adieu à mes résolutions de héros. Je vaux moins. J'ai dû jouer la comédie pour avoir mes vêtements, ces bottines et ces chapeaux. Une comédie dont j'ai honte. Il a mis de l'eau dans son vin, dit l'un. Il a jeté sa gourme, dit l'autre. J'avais toujours dit qu'il avait du bon, ce garçon-là, fait un troisième. Je n'ai pas mis d'eau dans mon vin. J'ai mis du vin dans mon eau. Car je n'ai pas jeté ma gourme. J'ai jeté mes frusques tas de seaux. Je puis me pencher, sans danger maintenant, pour corriger les devoirs. Il y a une des mères, 30 ans, cheveux d'or, rire d'argent, qui a toujours quelque chose à me montrer sur le cahier de son fils, et qui se penche aussi, en appuyant le bout de ses seins sur mon épaule. Un matin, ma jaquette m'allait bien, paraît-il, dans le demi-jour qui baignait la classe de latin. Le corsage de la dame aux cheveux d'or luisait, et sentait bon, comme un gros bouquet. Sur un coin de cahier, elle avait en souriant dessiné une tête échevelée qui ressemblait fort à la mienne. Nos lèvres se sont rencontrées. Elle m'a présenté à son mari l'autre soir. « L'enfant, ferait-il des progrès en prenant des répétitions ?» me demande-t-il. « Beaucoup. » Bon, « beaucoup » a été entraînant et passionné. Monsieur Martel, le mari, voit déjà son fils traduisant les verrines, ce qui serait bien utile pour son commerce, n'est-ce pas ? Lévérine, ouvrage de l'orateur Cicéron, contre les exactions d'un certain Verrès qui pilla la Sicile lorsqu'il était fonctionnaire romain. Je n'ai plus le derrière sur des épingles. Je prends 5 francs l'heure. Je n'oublie pas, malgré mes habits et ma griserie, mes opinions républicaines. Mes leçons, c'est-à-dire la correction des cahiers de l'enfant, qu'on éloigne. On en trouve un grand peignoir à raies bleues, bordé de dentelles fines et qui moule un corps de statue.